je refuse de restreindre la circulation pour convaincre les gens de prendre du transport collectif. Mmh. Ils prennent du transport collectif parce que c'est payant pour eux autres. Mmh. C'est pour ça qu'ils prennent du transport collectif. Parce que c'est plus utile pour eux autres. On peut pas convaincre les gens de prendre du transport collectif en les restreignant. Ça, c'est contre toute mentalité. Quand un animateur de radio dit ça, c'est niaiseux, mais quand j'entends un maire, ah, ça fait du bien. C'était d'entendre les journalistes. Ouais, mais là. Ouais, mais c'est ça. Le bout sur l'élargissement d'Henri IV, c'est bon aussi. Oui, Denis, oui, oui. C'est bon, oui. Écoutons, c'est des extraits du point de presse que Régis ouais. Labeaume m'a donné hier concernant l'avenir du transport à Québec. Et je pense qu'on a choisi le camp des prochaines années qui nous font dire à nous autres que le tramway, on verra peut-être pas ça tout de suite, hein? Je pense pas. L'avenir est pas mal plus dans l'auto. Que Laurentien, on le veut à trois voies tout le long et pas de voie réservée en passant. Sur Laurentien, on parle pas de voie réservée. On est convaincu que les autobus vont très bien passer. Quand la capitale est sous-mande, si on met ça à trois voies, c'est réglé à 90% le problème de circulation. Henri IV, il faut que ça se fasse. Puis c'est pas de voie réservée aussi sur Laurentien, là. Ça, c'est notre affaire. Tout le monde dit qu'il va y avoir une voie réservée sur Laurentien. Le RTC veut ça, moi, je veux pas. Ouais, mais... c'est bon, ça. Ouais, mais M. Labeaume, le PQ... Ouais, mais le PQ, ils vont comprendre, là, mais c'est pas de même, ça marche. Mais ça va être spécial, ça, le RTC, parce qu'on a vu de l'intérieur un peu le RTC l'an passé, nous autres. On était invités à aller discuter avec les fonctionnaires du RTC en privé. Ce genre de rencontre-là, ça peut aller dans un sens ou dans un autre. Tu sais, des fois, tu peux réaliser, tu te dis, ah, j'avais plein de préjugés sur le RTC, puis finalement, c'est pas ça pantoute. Cette rencontre-là, pour moi, personnellement, ça a confirmé tous les préjugés que je pouvais avoir parce sur le RTC. Parce qu'ils nous traitaient d'irréductibles. Ouais, ouais, si vous ouais. avez votre char encore en 2013, c'est parce que vous êtes un irréductible. Il n'y a rien à faire avec vous autres. Vous êtes un cas de désespéré. Ouais. C'est un peu ça le discours que les fonctionnaires du RTC nous avaient transmis. Mais ça va prendre un changement de mentalité au RTC, parce que le maire Labeaume n'a pas l'air de voir ça comme ça. En tout cas, à date, les premiers commentaires de Raymond Dion ont été très réservés sur l'avenir du tramway. Ben, il va suivre son chef. Ouais, je pense que oui. Je pense qu'il n'y aura pas trop le choix, parce que sinon, ça va être out. Ça se peut-tu qu'il y ait eu un tour de table pour dire aux autres membres d'équipe Labeaume que pendant la campagne électorale, s'ils pouvaient être bien tranquilles, ça ferait bien? L'autobus, là, puis les voies réservées, puis le tramway, puis le transport collectif, puis la religion verte, ça va être correct. Rejoindre Éric Duhaime à l'autre bout de la vin. Salut Éric. Bon matin, messieurs. Ça fait du bien d'entendre un politicien qui parle au monde une fois de temps en temps. Ce qui me choque, c'est qu'il faut tout le temps attendre qu'il soit à 80% d'un sondage ou encore qu'il devienne chroniqueur d'un journal ou bien radio. C'est absolument, mais écoute, on peut pas avoir quelqu'un qui a plus raison que ça. Là, je pense que quand il a parlé, par exemple, la première clip que vous avez fait jouer ouais. sur le fait qu'on peut pas obliger le monde à prendre le transport en commun en foutant le bordel puis en réduisant en augmentant le trafic des rues avec les autos, la preuve que ça fonctionne pas, c'est Montréal. Exact. Pas besoin d'aller ben loin. À Montréal, ça a été la stratégie. Hein? Rappelez-vous, notamment Luc Ferrandez sur le plateau Mont-Royal, ça a été sa stratégie. Lui, il l'a même avoué, là, puis il l'a fait délibérément. Foutu des one-way dans le mauvais sens pour être sûr que tout le monde se foute le bordel, pour s'assurer qu'il y ait des rues qui soient complètement congestionnées jusqu'à temps que les automobilistes s'écartent, stationnent leur auto puis décident de prendre l'autobus. C'était ça la stratégie. Ce qui est arrivé, c'est pas ça. Ce qui est arrivé, c'est que le monde ont pris le clic, le claque, puis le char, puis ont sacré le camp, puis ont déménagé en banlieue, puis ils viennent plus sur le plateau Mont-Royal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, l'Association des marchands de la rue Mont-Royal l'a sorti la semaine passée. Il y a 14% de moins de monde dans le commerce aujourd'hui qu'il y en avait avant ces mesures d'apaisement-là. Fait que ça a marché d'une certaine façon. Il y a moins de monde, c'est que le monde sont partis ailleurs, ils ont voté avec le pied, ils ont voté avec le char, ils ont sacré le camp. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui est arrivé. Puis à Québec, tu sais, on a toujours l'impression, nous autres, à partir de Montréal, de penser qu'à Québec, vous avez pas de trafic, vous savez pas c'est quoi, parce que à Montréal, évidemment, c'est un cauchemar à tous les jours pour les gens qui traversent les ponts, qui habitent sur la rive sud ou sur la rive nord. Mais quand j'étais allé au congrès des animateurs de choix il y a quelques semaines à Québec... T'as été pris dans le trafic? Tabarnouche! Une heure de temps! J'en revenais pas, que ça bougeait quasiment pas. J'étais quasiment stationné sur l'autoroute de la capitale. Ouais. Je pouvais pas croire qu'à Québec, on avait des problèmes d'engorgement aussi pire qu'à Montréal. Sauf qu'il y a des raisons à l'engorgement à Québec, Éric. Puis là, il y a beaucoup de travaux. Puis souvent, une des raisons de l'engorgement à Québec, premièrement, c'est les voies réservées. Sur Laurier, c'est le cas. Et la minute que t'élargis Henri IV, là, parce que toi, t'as dû prendre Henri IV puis Capitale. Oui. Mais la minute que t'élargis Henri IV, là, je t'annonce que 95% des problèmes de circulation, ils sont réglés à Québec, là. Ajoute une voie sur Henri IV. On les voit, les solutions. C'est décongestionné. Ben oui, ben oui. Et donc, il semble que, enfin, la bombe à veille des élections a compris ça. Là, moi, j'ai beaucoup aimé ça, qui parle de, effectivement, que sa priorité, c'était d'augmenter la largeur des autoroutes plutôt que de mettre de l'argent dans le tramway. D'ailleurs, là, il dit qu'il veut faire payer ça par Québec. Je pense que, gars, c'est un vœu pieux. Là, c'est une façon de dire pour lui qu'il a changé d'idée sans pouvoir, sans être obligé de reculer. C'est Mais c'est clair que le PQ, à matin, doivent regarder ça, doivent se dire, ouais, là, on a un méchant problème. Puis les ministres, mais en fait, le PQ, là, tu sais, avec leur idée de faire des transports en commun partout, puis tout ça, tu sais, regardez la Montréal, le pont Champlain, ils sont en train d'essayer de réserver des voies, ils veulent même mettre un train, puis ils veulent même que ça soit le fédéral qui paye ça. Le fédéral, il y a à peu près autant de chances que le fédéral paye le train à Montréal que la ville de Québec paye le tramway de Régis Labeaume. Donc, le PQ a des belles priorités, mais quand ça arrive le temps de payer, je suis pas sûr qu'ils vont passer de la parole aux actes. Donc, ce que ça veut dire, c'est enterrer le tramway hier, c'est un enterrement de première classe. Oui, hein. L'autre déclaration importante aussi, c'est sur le stationnement. Parce que ça aussi, c'est une autre mesure des enverdeurs pour s'assurer que les gens prennent le transport en commun. C'est qu'on réduit l'espace de stationnement au maximum pour faire en sorte que le monde tourne dans le char puis il s'écarte tellement que un moment donné, il dit « Je viendrai plus en auto, je vais venir en transport en commun parce que je suis plus capable de me parker nulle part. » La bombe hier est allée dans le sens contraire. Hein? Il a dit que il fallait plus d'espace de stationnement, qu'il allait faciliter ça. Il a raison sur le fait que des fois, c'est laid, il y a moyen de faire ça de façon plus esthétique. Là, le monde sont prêts à payer plus cher, c'est une autre affaire, mais au moins de pas empêcher le monde de se stationner. Ouais, sais-tu pourquoi il a raison? Moi, je pense que l'avenir, là, c'est pas nécessairement le transport collectif en Amérique, c'est le char électrique. Je te dis pas qu'on va tout avoir ça dans un an, mais je pense qu'éventuellement, les voitures électriques vont prendre un petit peu plus de place sur le marché, Eric. Mais un bouchon de char électrique, c'est un bouchon, puis il faut le parquer aussi, un char électrique. Ouais. Il faut le stationner quelque part aussi, à un moment donné, là. Tu sais, on parlait souvent que les autos polluantes et sales, faut jamais oublier une affaire, t'as raison, là. L'auto aujourd'hui, là, dans bien des cas, est sur ça, plusieurs matières, là, polluantes, est 99% plus verte qu'elle était il y a 30, 40, 50 ans. Les autos polluent de moins en moins. Évidemment, notre parc automobile est de plus en plus important parce que tout le monde en veut, puis on est de plus en plus riche, puis il y a plus de monde. Il y a plus d'autos, le parc automobile est plus important. Mais même aujourd'hui, avec un parc automobile beaucoup plus important, on pollue beaucoup moins qu'à une certaine époque, notamment dans les années 70. Et je pense que cette tendance-là va se continuer. C'est sûr et certain que l'auto, dans 20, 30, 40 ans, va polluer une fraction de ce qu'elle pollue aujourd'hui. Si elle pollue, ça se peut qu'elle pollue pas pantoute. Est-ce qu'elle va fonctionner à l'électricité, à l'eau, à n'importe quoi? Je sais pas. Mais je sais une chose, c'est que la pollution, il va en avoir beaucoup moins émise par les autos. Puis l'autre affaire sur l'essence, Éric, le maire dit, regardez, si l'essence est trop chère, les gens vont prendre la décision eux-mêmes. Si un jour l'essence est vraiment à 2 piastres le litre ou 2,25, les gens sont assez intelligents pour se tourner eux-mêmes vers leur transport en commun. On n'a pas besoin de les contraindre à prendre le transport en commun. Si quelqu'un décide dans sa vie qu'il aime mieux prendre le transport en commun, gars, t'en es un, toi, à Montréal. T'en as pas de char, toi. C'est une décision qu'on est capable de prendre individuellement aussi, là. Ouais. Regarde, c'est une décision économique. Est-ce que oui ou non, pour moi, c'est rentable d'avoir une auto? Moi, dans mon cas, j'ai décidé que non. J'habite à 2-3 kilomètres de mon job. J'ai décidé que je marchais. Je prends même pas le transport en commun la plupart du temps. Je marche. Puis quand je suis mal pris, des fois, je prends le taxi puis je calcule qu'à la fin du mois, ça me coûte moins cher que si j'avais un char. Ça coûte quand même assez cher entretenir un char. Faut se le dire. Oui. Fait que le prix de l'essence aujourd'hui, c'est encore plus important. Et là-dessus aussi, Régis Labeaume hier a fait une déclaration brillante. Il est allé dire qu'il était contre ça, d'augmenter la taxe sur l'essence, parce que vous savez qu'à Montréal, on paye plus cher notre essence parce qu'ils ont permis à la ville d'augmenter leurs revenus, leur assiette fiscale au niveau des taxes sur l'essence. La bombe a décidé de pas embarquer dans cette valse-là à ce moment-là, et hier, il a réitéré sa décision qu'il va pas augmenter la taxe sur l'essence. Je pense qu'à ce moment-ci, ça aurait été très mal vu de dire « je vais vous mettre 3 cents de plus » alors qu'on paye déjà 1,5 piastre le litre. C'est rendu, tu sais, il y a du monde cette veille qu'ils vont payer plus cher d'essence par mois que leur loyer, là. Ça a plus de sens, là. Pourquoi, Éric, d'après toi, un politicien à Québec est obligé de revenir à ce discours-là, alors qu'à Montréal, c'est un discours que vous entendez pas? T'sais, vous êtes en pleine campagne électorale, vous autres aussi. Il y a plein de politiciens qui gagneraient à se faire connaître actuellement en parlant aux gens. Sais-tu qu'on s'intéresse plus à la politique à Québec qu'à Montréal? Tu vois ça comment? C'est quoi ta théorie là-dessus? Ben, c'est sûr que ça explique bien des choses, puis t'as raison d'abord. Pour commencer, là, regardez ce qui se passe à Montréal. On a un parti, Projet Montréal, pas le nommé, puis là, faut arrêter de les prendre à la légère puis penser que oui, c'est le Québec solidaire municipal, mais Québec solidaire à Montréal, c'est gros, puis c'est pas impossible que Richard Bergeron soit maire de Montréal dans 2 mois là. Donc c'est un joueur sérieux là, c'est, il fait partie des 3 principaux aspirants à mairie de Montréal et eux veulent réduire le nombre de taux de 20%. Ils sont dans une guerre contre le taux d'ailleurs, j'ai écrit un livre là pour parler de la guerre à l'auto, Richard Bergeron. Arme, c'est l'ennemi. Donc c'est une arme et de destruction massive et donc il faut s'attaquer à ce mal. Et on a un parti municipal donc qui fait ça. On a un autre, Marcel Côté, qui lui propose d'augmenter les taxes sur l'essence. Montréal va exactement en sens contraire de Québec là. Et on parle beaucoup de transport en commun. Imaginez-vous donc qu'il fait même sa campagne en transport en commun. Ouais. Ok. Mais si on s'en va, il se promène en autobus pour sa campagne. Oui, en métro pas en autobus. Super. Et là, et l'autre, Denis Coderre, moi écoute, là, je vote par Denis Coderre parce que je me bouche le nez parce que j'ai pas le choix. Denis Coderre, son porte-parole au transport, c'est Philippe Schnob, l'ancien journaliste de Radio-Canada, qui lui aussi est dans le vélo d'un piste cyclable. Parce que là, on a parlé beaucoup du transport en commun. On parle pas des cyclistes, là, mais c'est encore une plaie aussi pisse, non pire, à Montréal pour bien des cyclistes, pour bien des automobilistes. Ben oui. Là, les vélos à Montréal, c'est rendu là, vraiment un problème. Et là, eux, c'est rendu qu'on propose de fermer des rues, de mettre des vélos. On est là à Montréal. On est encore dans la mentalité d'empêcher le monde de se promener en char. Et aucun parti politique a le courage de le faire. Bon, ben maintenant, pourquoi qu'ils veulent faire? Pourquoi qu'on en est rendu là? Ben, je pense que parce que le monde à Montréal sont politiquement pas conscientisés. Le monde, ils dorment au gaz. Choix n'est pas encore une antenne qui porte autant qu'à Québec, à Montréal. Je pense que c'est ça un peu aussi, là. On a le problème de les gens, les automobilistes sont frustrés, sont dans le char, mais ils sont patients, puis ils ferment le gueule, puis ils prennent le trou. Un peu passif, patient, mais passif un peu aussi. Absolument. Je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée en fin de semaine. Vous allez capoter. J'étais allé à Buffalo, d'ailleurs. Ben oui. J'ai failli y aller avec toi, mon cher. J'ai failli y aller avec toi. Je suis désolé des circonstances hors de mon contrôle. Désolé. Je suis allé à Buffalo. J'ai fait peut-être, je sais pas quoi, là, 700 km, dont 10% au Québec. Okay? Puis après ça, j'ai fait de l'Ontario puis de l'État de New York, le nord de l'État de New York. Et sur les 700 km, là où j'ai vu le plus de travaux, là, évidemment, c'est sur le 70 km du Québec. J'en ai vu plus que sur le 630 autres des États-Unis puis de l'Ontario. Et quand je suis arrivé au Québec, quand je suis revenu, d'ailleurs, t'as pas besoin de pancarte pour te dire bienvenue au Québec. Quand t'arrives au Québec, avec l'état des routes, tu t'en rends compte assez vite. Et là, je suis arrivé, en tout cas, je pognais la 40. Là, je suis arrivé à une sortie. Ils ont bloqué l'autoroute 40, obligé de sortir, prendre un petit rang, puis se promener dans la campagne. Puis là, c'est la congestion totale. Tu pars 20 minutes juste là. Alors, rentre sur l'autoroute 40. Là, j'arrive pour aller prendre le pont Champlain. La sortie du pont Champlain est fermée à partir de l'autoroute 40. Le tunnel Ville-Marie était fermé pour des travaux. Là, j'ai réussi à me promener. J'arrivais par la 13 pour aller prendre la 20 à partir de la 40. La sortie pour s'en aller vers l'est est fermée. Il a fallu que je m'en aille dans l'ouest. Je fasse un détour de 20 km vers Dorval pour revenir. Là, j'ai dit, coudon, y a-tu une guerre? Y a-tu un bombardement pendant que j'étais parti? Puis j'ai pas lu les nouvelles. Et c'est incroyable ce qui se passe à Montréal. Vous autres, à Québec, là, vous avez pas conscience de la patience des automobilistes montréalais. Ah, quand on y va, on s'en aperçoit. On y va plus à cause de ça. Oui, c'est ça. On n'a pas cette patience-là, nous autres. Mais comment ça se fait que les automobilistes montréalais sont aussi patients, puis ferment le gueule aussi longtemps, puis chialent pas? C'est ça qui me fascine à Montréal, c'est notre capacité de fermer notre gueule puis de prendre notre trou. L'autre affaire là sur laquelle vous n'avez pas le droit de fermer vos gueules, Éric, et je pense que ça va concerner tout le Québec. Je veux revenir sur la taxe sur l'essence là. Tu as vu hier dans la presse là les chiffres sur l'Agence métropolitaine de transport à Montréal là. Oui, ils vont tomber en déficit d'argent. Ils vont manquer 200 millions là, je pense en 2020 là. On n'a pas le droit de se fermer la gueule et d'accepter une hausse importante de la taxe sur l'essence, là, parce que je le sens, ça s'en vient. Là. Le PQ, d'après moi, s'en vient avec ça. Ils vont la monter, la taxe sur l'essence, je suis à peu près convaincu, s'ils sont réélus. Puis excluons pas que les autres partis le fassent aussi. Là. On n'a pas le droit de se fermer la gueule là-dessus, Éric. Là.